9. Alan Pope veut nous dire quelque chose. Alan Pope. Tout se passe bien, les amis? Vous qui êtes en train de lire notre histoire? Qui l'a? Pour moi aussi. Je sais que Pikaouette a traversé le monde enfermé dans une malle, le pauvre. Lui qui rêvait d'un Noël blanc, il n'a pas vu le moindre flocon de neige de tout le voyage. Mais nous sommes arrivés au pays du Père Noël. Flagadelle et Trompette sont entrés dans son chalet. Ils vont bien finir par ouvrir cette malle et libérer le malheureux ver de terre. Quoi? Comment je sais que Pikaouette est dans la malle? Je vis quand même au pôle Nord, dans le cercle polaire. C'est encore plus magique que le pays des miracles de Flagadelle. Rien ne m'échappe. Pensez donc à nos amis qui vont bientôt rencontrer le Père Noël. Le vrai Père Noël, en chair et en os. Quelle chance! L'avez-vous déjà vu, le Père Noël? Je parle du vrai, avec sa grosse voix comme ça, là. Je sais que, des fois, le Père Noël vient nous surveiller pendant l'année. Il part sur son traîneau tiré par ses rênes. Il s'arrête quelque part dans le ciel, il s'assoit sur un nuage, il s'allonge à plat ventre et il nous regarde pendant des heures, pendant des jours. Quand il y a des nuages au ciel, regardez bien, et je suis sûr que vous saurez reconnaître le nuage sur lequel le Père Noël s'est allongé. Il boit des cocktails d'eau de pluie et il mange des morceaux de nuages. Il paraît qu'ils ont goût de barbe à papa. Il paraît. Allez, vous pouvez entrer dans le chalet du Père Noël. Une surprise vous y attend. À bientôt.